fait du bif, on fait du chiffre, du goût, tu fais un dimanche là. Pas de confiance, pas de love, quand c'est fini, faut qu'on se barre de là. Les méchants du film, on tire dans le mille, AK Uzi sous le matelas. On claque des millions, même si on n'emportera rien dans l'au-delà. On claque des millions, même si on n'emportera rien dans l'au-delà. Des millions, même si on n'emportera rien dans l'au-delà. On fait du chiffre, on cherche des millions, on est vif. Quand il s'agit d'amour, on hésite. Quand c'est conscience, ça on évite. On cherche soi, mais qu'importe le prix. Fait tout pour pouvoir rendre des dix. Une contrat rempli, mais le cœur est vide. Être une légende, ce que je vise. Ils veulent ma carrière, mais resteront en arrière. Sur mon échec, ils ont parié. Fils du continent n'a pas de barrière. Et c'est pour nous, mais nous aussi, qui veulent voir la famille sortir d'ici. Foncer sans hésiter comme un missile. Réussir notre vie, c'est la seule issue. On fait du bif, on fait du chiffre, du goût, tu fais un dimanche là. Pas de confiance, pas de love, quand c'est fini, faut qu'on se barre de là. Les méchants du film, on tire dans le mille, AK Uzi sous le matelas. On claque des millions, même si on n'emportera rien dans l'au-delà. Millions, même si on n'emportera rien dans l'au-delà. On claque des millions, même si on n'emportera rien dans l'au-delà. On se bat, c'est la guérilla. On charbonne aucun jour n'est férié. On lâche rien tant que le cœur y est. La monnaie va toujours nous hanter. Salut l'argent enchanté. Facile de développer la flemme, difficile d'agrandir sa volonté. On fait du bif, on fait du chiffre. Les méchants du film en tirent dans le mille. On cherche le sommet, qu'importe le prix. On claque des millions, même si on n'emportera rien dans l'au-delà. On claque des millions, même si on n'emportera rien dans l'au-delà.